AWA to Mafia Man. Chacun fait sa route, je te veux plus sur mon chemin. T'es pas à la hauteur, je te donnerai pas ma main. Toi tu veux mon liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, tous les week-ends, week-ends. Liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, tous les week-ends, week-ends. Bébé, je t'ai laissé, t'es du père. Tous mes sentiments pris du ferme. Aucune remise de peine sur la mélo. Mon cœur sort des favelas. En amour faut pas compter. Elle veut de l'or dans son verre. Ma demoiselle est surcotée. Moi j'ai dû laisser tomber. Les gens ferment la porte, yeah. Je ne veux plus de billets dans ma voiture. Elle regarde mes snaps mais j'ai déjà bloqué. Mais je repense à son boule toute la noche, yeah. Chacun fait sa route, je te veux plus sur mon chemin. T'es pas à la hauteur, je te donnerai pas ma main. Toi tu veux mon liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, tous les week-ends, week-ends. Liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, tous les week-ends, week-ends. Toute la noche, bébé, je vais pas mentir. Pour commencer, faudra parler français. Donc tu pensais que j'allais dépenser. Évidemment les sous sont planqués. Tu veux ma perte, pas la peine. Givenchy, tu veux juste que je paye. Isabelle, Annabelle, toi t'es qui, je sais plus comment tu t'appelles. Les gens ferment la porte, yeah. Je ne veux plus de billets dans ma voiture. Elle regarde mes snaps mais j'ai déjà bloqué. Mais je repense à son boule toute la noche, yeah. Chacun fait sa route, je te veux plus sur mon chemin. T'es pas à la hauteur, je te donnerai pas ma main. Toi tu veux mon liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, tous les week-ends, week-ends. Liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, liquide, tous les week-ends, week-ends. Bébé, veux du cash, veux du cash.